Oui, avant de commencer la période de questions, une chose qui est extrêmement utile, parce que très utilisable, c'est que la première partie, c'est une conférence qui a été, comme certains diraient, pas nécessairement très très haute en énergie, parce qu'elle est extrêmement pratique. Conférence qui n'est pas nécessairement haute en énergie, c'est une conférence qui doit être plus comprise par les égaux. C'est-à-dire qu'elle doit laisser plus de traces mémorielles de façon à ce que les personnes puissent utiliser l'information. Bien souvent, lorsque l'ego recherche uniquement une espèce de voyage, qu'on appelle souvent un trip énergétique, il ne retient pas trop ce qui a été dit, mais ça semble lui plaire plus, même si ce n'est pas applicable dans l'immédiat. Conférence extrêmement énergétique, conférence qui permet à l'individu de ne pas être assujetti à ce que l'orateur a dit et qui lui permet à la longue de transformer quand même sa vision des choses, donc de devenir un peu plus son seul maître. Mais ça se fait sans tenir compte du confort du chemin. Conférence qui est plus pratique, une conférence qui énergise moins les individus et qui, par contre, si l'individu a la capacité d'appliquer certaines choses, peut rendre plus confortable son évolution. Souvent, aux séminaristes, je leur dis que l'une des fonctions que j'ai n'est pas d'accélérer l'évolution. Ça ne s'accélère pas. Par contre, on peut la rendre beaucoup plus confortable. Et ça, ça en vaut la peine. Pour beaucoup d'individus, une évolution plus confortable semble être une évolution plus grandiose, plus évoluée. C'est la même chose. Vous pouvez, par exemple, travailler sur quelque chose et être toujours en train de traîner à côté dans le fossé, mais vous allez quand même arriver. Comme vous pouvez être sur le chemin, travailler avec la même chose, confortablement, vous allez y arriver aussi. Ce que vous avez comme information lors de la première partie est extrêmement fonctionnel. Bien souvent, les individus considèrent, à force d'être cartésiens, que plusieurs choses du monde de l'occulte ne sont pas nécessairement vraies. Lorsque nos grands-parents voyaient des loups-garous dans leur grange, on finit par considérer que possiblement ils imaginaient cela. Plus l'évolution mentale des sociétés se fait, moins l'astral a de prise sur elle. Nécessairement, à un moment donné, les apparitions fantomatiques, loups-garous, etc., n'ont plus d'apparence, disparaissent. Mais dans les pays sous-développés, on a encore les apparitions des vierges, Vierge Marie et Vierge, ce que vous voudrez. Il y a énormément d'apparitions. Pas dans les pays industrialisés, dans les pays pauvres, là où l'astral n'est pas rejeté par le mental. Et ce n'est pas parce que notre évolution technologique, industrielle, informatique, mentale rejette certaines conditions du monde de la mort, du moins rejette leur apparence puissante, qu'ils n'ont plus d'effet sur nous. C'est même un peu plus dangereux, parce qu'on n'a même plus les armes pour se protéger, considérant que ça n'existe plus, et finalement considérant que ça n'a jamais existé. L'être humain doit travailler pour rendre son évolution confortable. Évoluer plus vite, c'est une farce. On évolue à son rythme. Votre cerveau ne peut comprendre ou englober plus d'énergie qu'il ne peut le faire. Plus il en englobe, plus il se transforme. L'évolution est exponentielle, qu'elle soit l'évolution sociale ou personnelle. Après la Deuxième Guerre mondiale et un peu avant, on peut constater qu'effectivement, l'évolution a été exponentielle. Il y a eu plus de découvertes les 50 dernières années que les 50 derniers mille ans. Il y a eu plus de découvertes les 5 dernières années que les 50 dernières années. Et c'est exponentiel, ainsi que va aller votre évolution. Quand l'individu se dit, oui, mais c'est, moi je dis de temps en temps qu'un humain va se libérer dans peut-être 5 ou 10 ans. 5 ou 10 ans, c'est long. Vous savez qu'en 5 ou 10 ans, quand je parle libérer, c'est même pas ce que l'humain peut penser. Il y a une transformation super magistrale. Dernièrement, je travaillais avec des personnes. Et quand on cherchait une idée, on cherchait quelque chose qui ne venait pas, et puis on a cessé de chercher, on a cessé de travailler, Et on a passé 3 ou 4 heures à discuter sur d'autres choses. De plaisant, d'amusant. Et après les 3 ou 4 heures, on est revenu sur l'idée. Et on a trouvé l'idée immédiatement. Et on l'a appliquée. N'importe qui dirait, ils ne travaillent pas comme il faut, mais rends-toi avec l'énergie qu'ils ont, on s'y mettrait les 4 heures intensives à travailler. On ferait comme la majorité des animaux humains. Ils auraient trouvé l'idée 4 heures après, mais ils auraient passé 4 heures à chercher l'idée. Et nous, on a trouvé l'idée 4 heures après, on a passé 4 heures à aimer vivre. Rendre plus confortable le cheminement. Pour cela, on doit comprendre des mécaniques. Nous, on sait que finalement, l'idée va être là quand elle va être là. Donc, on ne fait pas d'erreur. Si on a fait cela et ça n'a pas fonctionné, c'est que de toute façon, c'est ce qu'on devait faire. On est fait. Et si à un moment donné, on ne le fait plus, c'est qu'on est suffisamment programmé pour éviter les erreurs, que l'humain appelle erreurs. Mais de plus en plus, on peut parvenir à ne pas travailler pour avoir du résultat. Rendre confortable l'évolution. C'est comme accélérer l'évolution. Parce que cela va vous rendre plus patient. Étant plus patient, les choses semblent aller suffisamment vite. Même de plus en plus vite. Parce que c'est de plus en plus plaisant. Est-ce que c'est l'équivalent de courber le temps? Courber le temps va venir après. Courber le temps, c'est se dissocier d'une grande période de l'évolution de notre corps physique et des structures d'évolution pour le rejoindre lorsque c'est plus en affinité avec notre conscience. Alors, c'est encore extrêmement plus confortable, mais là, on courbe le temps en échappant à l'évolution planétaire. Un peu plus loin. Mais en attendant, c'est déjà extraordinaire de rendre confortable l'évolution. Ça ne sert à rien de vivre en étant toujours soumis au manque de matière, à l'insécurité de l'ego, aux pathologies corporelles, à la nécessité d'être confiné dans sa localité, c'est parce qu'on ne peut pas voyager. Comme mes amis disaient à un moment donné, je vais faire un voyage en Égypte. Je lui demande, est-ce que tu amènes les enfants? Il dit non, ça coûte trop cher. Et je lui réponds, ouais, tu as juste à être plus riche. C'est vrai. L'année d'après, il était plus riche et il a amené les enfants. On a une très, très, très, très mauvaise vision du confort dans l'évolution. Étant donné que toutes les structures évolutionnaires ont tout fait pour que l'humain n'évolue pas, elles ont tout fait aussi pour que l'humain considère que le matérialisme était dangereux. Être totalement omnibulé par la matière, très dangereux. Être totalement omnibulé par les plans spirituels et abandonner la matière, totalement stupide. La matière est là, nous sommes matériels du point de vue biologique, et de ce fait, nous sommes assujettis à la matière. Nous devons manger. C'est totalement idiot de devoir perdre du temps à manger. Nous devons dormir, doublement stupide. Nous devons entretenir notre corps, sinon il devient malade, faire attention à ceci, faire cela. Mais plus nous allons contrôler la matière, plus nous allons être libres de la matière. Je disais à un moment donné dans une conférence que le retour à la nature, moi je le vois, je le conscientise, mais pas comme la majorité des animaux humains le font, où ils retournent à fendre du bois tout l'hiver pour se chauffer à l'intérieur en polluant l'air dehors. Moi je le vois comme ceci, pendant que les robots font le ménage, je me promène dans la forêt. C'est de l'intelligence. Améliorer sa condition, c'est évoluer. Une conférence comme ce soir, lorsqu'un individu décide d'appliquer. Et dernièrement, j'expliquais encore à mes séminaristes qu'ils étaient des libraires. Avec toutes les formations qu'ils ont, ils ont plein de livres dans leur maison. Ils ne les lisent à peu près jamais. N'importe qui vient vous voir, ceux qui suivent les conférences, et qui vous posent des questions, vous en avez long à répondre. Puis il y a beaucoup de personnes ici qui en savent plus que les plus puissants psychologues sur la planète. Ils ne savent pas encore s'ils doivent croire ce qu'ils savent. Ben, ces psychologues, ils le croient uniquement parce qu'ils l'ont lu dans des livres. Fait que finalement, c'est la même problématique. Vous en savez, vous pouvez appliquer. On doit à un moment donné appliquer. La conférence de ce soir, elle est, disons, caractère occulte. Mais en réalité, elle est aussi pragmatique, pratique, que si je vous disais que les fourmis dans la maison peuvent vous empêcher de dormir, s'il y en a des nids complets. Mais la fourmi, on la voit avec des yeux qui sont aussi trompeurs que les sens vitaux. Le reste, on le perçoit. On se lève un matin démoralisé. À un moment donné, dans la journée, on se fait ramasser. progressivement dans une maison, ça décrépit, on s'en va. On change l'atmosphère, on se sent mieux. On va chez notre tante, notre beau-frère, notre voisin. Puis il me semble que chez eux, ils ont plus de bonheur. Et on pense que c'est à cause des humains. Alors on veut les rencontrer, eux. Invitez-les chez vous. Vous allez voir qu'après un laps de temps, ils ne seront pas aussi heureux. C'est chez eux que c'est plaisant. C'est à cause des conditions qui nous entourent. On peut les changer. J'ai expliqué comment on peut faire des choses. Et l'humain se dit toujours, oui, mais il faudrait être riche. Ah, je pars mal. Belle bêtise. Être né pour un petit pain ou pour la croûte du pain, c'est la même chose. Vous êtes né pour le petit pain, parfait, moi, vous le laissez, moi, prendre le reste. Sauf que le reste, il y en a pour tout le monde. Pas parce que les dieux sont équitables. C'est parce que les dieux ont mal bâti la structure planétaire. Il y en a trop donné. Alors, il y en a en masse. La majorité de ce qui traîne, traîne. Le reste, souvent, est entre les mains de personnes qui doivent garder la richesse, mais qui n'ont pas l'intelligence de l'utiliser. Ils la gardent pour qu'un jour, d'autres humains puissent la recevoir. Pendant ce temps-là, il y a des humains qui se regardent de nombril ou qui se regardent la face dans le miroir et qui se disent « Oui, mais moi, j'ai rien de. » C'est la même chose. Pensez à beaucoup d'humains qui ne veulent rien d'eux. Il y a un bonhomme qui jouait du violon. Il jouait bien du violon. Il faisait des mathématiques. Il s'appelait Albert Einstein. Quand il se regardait la face dans le miroir, il n'y avait rien de plus beau que lui. Hein? Franchement, il y avait même des difficultés à se trouver une blonde. Puis il en a trouvé une, puis quand elle lui a dit « Je ne veux pas... Qu'est-ce que tu as à me trouver si cute? » Il lui a dit « Ben, c'est parce que tu dis jamais un mot. C'est pour ça que je veux te marier. » Il était bizarre. Et il est devenu l'un des plus grands scientistes ou scientifiques de son temps. On peut faire la même chose avec tellement d'individus. Il y a des élections prochainement. Tous les ministres, tous les députés vous avez pour lesquels, tous les candidats qui se présentent, pour lesquels vous allez voter, sont des individus qui n'ont jamais su qu'un jour ils seraient candidats. Ils sont partis de n'importe où. Il y en a même un qui était pompiste. Puis qui présentement a été, à un moment donné, des députés élus. En chiolant, à cause qu'il y avait des hausses d'essence, puis des ci, puis des ça. L'humain ne sait pas où s'amène la vie. Rendez confortable votre évolution. On va dire rendre confortable sa vie, si vous voulez. Mais c'est pas juste la vie qu'on doit rendre confortable. Vous n'êtes pas venu au monde sur la planète Terre pour être confortable dans la vie, pour mourir dans un beau lit. C'est pour ne pas mourir. Dans la conscience, on se fout du corps physique. Un jour, il partira plus, mais en attendant, tant qu'il veut rester animal, qu'il meurt. Rendre confortable. Ce qui entre les maisons, les véhicules de transport, les hôtels, les lieux de travail, les vêtements, anime et abîme l'atmosphère psychologique, le vôtre et celui de ceux avec lesquels vous vivez. Les écoles, la même chose pour les enfants. On peut, en appliquant les mécaniques qu'on a vues lors de la première partie, transformer progressivement des choses. Uniquement s'informer, c'est dangereux. Assister à des conférences sans se rappeler trop ce qui a été dit, pas de problème. Énergétiquement, vous grimpez. Vous ne vous rappelez pas du discours, mais vous êtes de plus en plus capable de supporter des choses, de résister à des individus, de comprendre dans vos propres mots certaines choses. Donc, vous êtes libéré de moi. Trop apprendre, c'est problématique parce qu'à un moment donné, on n'applique plus au nom du fait que ça, on le sait. On applique une semaine ou deux et après ça, on n'applique plus. Quand un individu découvre la puissance du jogging, il court. Quand il a suffisamment couru puis qu'il le sait, ça n'a plus de valeur. Il le sait. Là, il aimerait avoir quelque chose d'autre, de plus puissant, de plus n'importe quoi. Juste de neuf. Vous devez appliquer. Ça aide. C'est effarant avec quelle puissance les choses, lorsque l'on comprend leur mécanique, peuvent être manipulées. Passer son temps à espérer et à se dire « Oui, mais je comprends pas que... » Vous avez aussi des pas à faire. Faites-les. Changer sa demeure biologique, c'est une chose. Se tenir mieux, c'est l'attitude qu'on mute. Mais l'attitude, elle transforme tout. Changer sa vestimentation, au minimum, changer la façon dont on porte son linge. Changer la façon dont on sert les choses dans la maison, mettre de l'ordre. Changer la façon dont on conduit. Changer la façon dont les meubles sont placés, dont la façon dont les meubles sont orchestrés. Changer la façon dont l'on parle. Et que c'est simple. Et c'est là qu'on reconnaît les êtres humains, des animaux humains. Et tout ce qui traîne, puis tout ce qui est entre mauvaises mains, temporairement, lentement, ça change. Vous dites, oui, mais je ne vois pas comment. Tous ceux qui sont mariés n'avaient jamais vu comment. Tous ceux qui ont eu des enfants n'avaient jamais vu comment. Tous ceux qui ont des maisons n'avaient jamais vu comment. Tous ceux qui ont des emplois n'avaient jamais vu comment avant. On s'adapte au changement. On ne voit pas comment, mais ça vient. Ce qui reste à ceux qui se conscientisent, vous ne savez pas comment. Mais c'est là, en maudit. La seule chose qu'il y a, c'est que ça l'attend d'être capable d'être supporté par un réceptacle convenable. Le réceptacle, c'est pas ce que vous avez été. C'est ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, quand vous vous observez à partir de ce que vous avez été, ben là, vous le voyez pas du tout. Ce que vous êtes est nécessairement ce que vous serez. Pas ce que vous avez été. Quand vous étiez dans l'ignorance, quand vous étiez dans l'inconscience, ou quand vous étiez simplement dans des transformations mutatoires très, très, très pénibles, c'est ce que vous étiez. Mais on ne regarde pas. Moi, je n'achète pas une automobile en fonction de la mine qui a fabriqué le métal pour le bâtir. Ça, je m'en fous. C'est ce qu'elle est qui m'intéresse, et non pas ce qu'elle a été avant. On va répondre aux questions. Il y a sans doute encore des phénomènes pratiques que l'on va amener. Ce soir, elle est pratique, donc applicable, donc utilisable, donc utile. Et ça fonctionne. Quelle serait l'onde de forme idéale pour une chambre d'enfant de 3 à 4 ans? Premièrement, ça dépend de l'enfant. Moins il y a d'objets dans une chambre d'enfant, mieux c'est. Et plus les couleurs sont ternes, mieux c'est. Moins c'est vivant, autrement dit. Mieux c'est. Ouais. Pourquoi c'est mieux terne que vivant, plus gras? Pour que la psychologie, pour que l'ego de l'enfant ne s'adapte pas trop rapidement à l'habitude du luxe. Parce que par la suite, il ne pourra pas respecter la matière dans la maison, il ne pourra pas respecter la matière à l'école, parce que de toute façon, ce sera toujours trop terne. Si par contre, il n'y a presque rien dans la pièce, que les couleurs ne sont vraiment pas trop vives, on va dire oui, mais ça ne réveillera pas l'esprit de l'enfant. Faites-vous-en pas. Il va se réveiller en masse vite. Et on le sort de sa chambre, il est dans la cuisine, il est dans un monde plus joli, et le sien ne l'est pas trop. Lentement, il va s'habituer à vivre dans un monde particulier, qui n'est pas nécessairement où on lui a tout donné. Comme les cadeaux, on en donne des cadeaux, on en donne des cadeaux, on en donne des cadeaux, à un moment donné, l'enfant n'a plus aucune valeur. On doit faire extrêmement attention aussi dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est à de l'ego qu'on donne des cadeaux. L'intelligence dans l'enfant va se développer, mais lentement, il doit apprendre à mériter des choses parce qu'il vit de l'évolution lunaire qui est méritoire. S'il n'apprend pas à mériter alors qu'il est lunaire, il se foutra éperdument de tout ce qu'il va avoir plus tard. Donc, pas trop coloré, pour qu'il puisse voir une différence, par exemple, dans la chambre des parents, qui est plus belle. Ah, il n'y a pas de justice? Non, il n'y a pas de justice. Les parents ont travaillé, sont arrivés là, puis lui doit aussi apprendre à connaître la matière, puis si à 7 ans, il respecte tout, il y aura tout. C'est pas de la justice, il mérite, simplement. Parfait qu'il l'aille. Donc, l'enfant doit être dans une chambre où il n'y a pas trop de choses, pas trop grand, puis lentement, lentement, au fur et à mesure de sa compréhension des choses, on va commencer à peinturer une voiture de couleur dans sa chambre. On va lentement lui demander de nous aider à arranger certaines petites choses. Et lentement, lentement, lentement, progressivement, on pourra tapisser une chose et on finira par créer un cadre. Et l'enfant doit participer. L'enfant ne doit pas être parti à l'école, puis quand il revient, on a changé sa demeure. Il doit être là. Il doit, quitte à juste vous regarder, mais il doit participer. Il connaîtra la valeur des choses. Quand il sera suffisamment libéré au niveau de son mental, ça va se faire lorsqu'il aura une identification entre 6 et 12 ans pour la majorité des enfants. L'enfant Teflon s'identifie entre 3 et 9 ans, mais on parle d'une identification plus mature. Entre 6 et 12, 13 ans, l'enfant aura compris les choses, il connaîtra la valeur des choses, et nécessairement là, on pourra ouvrir, enfin, il aura droit au même monde que ceux qui comprennent la valeur de la matière. Dans l'initiation solaire, j'ai lu que le pouvoir de l'argent sera détruit puisqu'il représente la plus grande farce. Oui, vous avez lu le mauvais livre. Domination sur notre globe. Vous avez lu le livre d'un alcoolique. Puis c'est pas parce qu'il est alcoolique, c'est un mauvais livre. Non, mais il se trouve que c'est un mauvais livre. Le livre lui-même est alcoolique. De domination sur notre globe. Et cette destruction se fera avec la synthèse de la race actuelle et de la nouvelle. Dis quel pouvoir plus intelligent remplacera cette domination? Premièrement, l'auteur du livre d'une personne qui n'a pas d'argent. Ses parents en ont énormément et ses parents ne veulent pas lui en donner. Donc, dans l'initiation solaire, j'ai lu que le pouvoir de l'argent sera détruit puisqu'il représente la plus grande partie de domination sur notre globe. Qu'est-ce que l'on doit détruire? Le pouvoir de l'argent ou le pouvoir des imbéciles qui s'en servent? Moi, si je viens acheter un meuble et que je dois amener un chevreuil ou un éléphant ou une vache ou un objet avec moi pour l'échanger contre automobile, il y aura un problème. Il va y avoir un temps où l'argent ne sera plus utile. Pourquoi? Parce que les êtres humains auront accès à tout ce qui existe en tant que matière. Une société intelligente où il n'y aura plus de parcomètre. Ou lorsque vous aurez besoin d'une nouvelle automobile, vous allez en chercher une. Et tout le monde va s'en foutre. Il n'y aura personne pour gaspiller. C'est la robotique, la matière elle-même qui va fabriquer la matière. Et on n'aura pas besoin de préserver, de ramasser de l'argent pour se payer du temps. Mais ce n'est pas encore le temps. C'est encore le cas. La planète est encore habitée par des animaux humains. C'est le pouvoir que l'argent amène dans les égaux qui doit être sublimé, non pas le phénomène de l'argent. Surtout tant que l'humain a besoin d'argent. Payez vos employés avec juste des merci. Préférable d'avoir un peu d'argent. Surtout qu'ils doivent acheter avec des gens qui ont besoin d'argent. Quel pouvoir plus intelligent remplacera cette domination? Pourquoi voulez-vous qu'un pouvoir intelligent domine au lieu de cette domination? C'est l'homme qui sera libre. Il n'y aura rien pour remplacer la domination. Temporairement, transitoirement, les êtres intelligents, les aristocrates planétaires, ceux qui auront de l'intelligence, qui seront capables de gérer le temps et l'argent, géreront une grande partie des structures industrielles, financières et temporelles de la planète. Ce n'est pas encore commencé. Il y aura quelques petits hoquets planétaires avant. Et je le dis encore une fois, ce n'est pas en regardant votre photo que vous saurez si vous ou pas. Les dettes des pays les uns envers les autres ont-elles quelque chose à voir avec ce remplacement de l'argent détruit? Dans l'évolution spirituelle, les pays riches ont pensé solutionner la problématique des pays pauvres en leur prêtant à un très bon taux d'intérêt de l'argent. Les pays qui ont emprunté ne sont jamais parvenus à s'en sortir. Il y a eu l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale qui a eu des prêts américains. Mais c'est un pays, enfin l'Europe, disons que c'est un pays, ça va le devenir, ce sont des pays qui ont de l'argent. Ils n'en avaient plus après la Deuxième Guerre mondiale. Les prêts, ils s'en sont servis et en s'en sont sortis. Tous les pays pauvres, c'est simplement un trou pour épuiser du karma des pays riches. Plus on leur donne, moins ça sert. Le Mexique, il a eu tout ce qu'il fallait pour s'en sortir. Ils avaient du pétrole, ils avaient en masse des populations, ils avaient différentes ressources minières. Pays le plus endetté au monde. Aucun des pays pauvres à qui on prête ne peut s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à s'en sortir. Et là, évidemment, au niveau sociologie, on peut dire que c'est parce que les pays riches font tout pour les endetter. Mais voyons donc, si je vous donne rien, je vous endette pas, puis vous mourrez de faim. Si je vous en donne, vous arrivez à vivre, vous êtes endetté. Je devrais vous le donner? Il y aura un problème. Parce que moi, si mon gouvernement, il donne à l'Éthiopie, il faudra qu'il me donne avant en maudit. Ben, comme il peut pas me donner, parce qu'il peut pas donner à tout le monde. C'est moi qui donne l'argent qu'il donne. Alors, il prête. L'argent va être détruit quand l'humain, quand l'astral chez l'homme sera anéanti. Tant que l'humain vit dans l'insécurité, nécessairement, il aura besoin de possessions matérielles. Il y a des champs autour de l'humain qui donnent des fruits à l'année longue, mais l'humain invente pareil le grenier, il invente pareil le silo, et il invente la banque. Vous avez... Quelqu'un ici gagne 1 million de dollars. Est-ce que cet argent lui appartient? Non. C'est de l'argent. Elle ira dans son compte de banque temporairement. Elle passera dans d'autres mains à un moment donné. Quand l'humain considère que c'est de l'énergie, que cette énergie n'est pas possessive et ne peut pas être possédée, il est libre. Quelqu'un d'autre a besoin d'argent, il a des idées géniales, alors il le laisse aller. Il ne lui donne pas d'argent. Il ne lui prête pas d'argent. Il le transfère. Mais les égaux ne sont pas encore capables de vivre ce genre de choses. Beaucoup d'humains, lorsqu'ils ont 500 $ en banque, se sentent sécurisés. Ils ne veulent pas le dépenser. Quand ils ont 5 000, ils ne sont pas plus sécurisés. Et ils ne veulent toujours pas plus le dépenser. Ils n'ont jamais assez pour se sécuriser. On doit comprendre que quand on a rien, quand on a beaucoup, ça ne dérange rien. C'est pourquoi je dis que beaucoup de personnes présentement ne sont pas réellement nantis financièrement, mais en dedans d'un an, 2 ans ou 3 ans, ils peuvent voir un grand renversement si leur ego n'est pas trop en phase d'égoïsation, s'ils ne considèrent pas trop que ça leur appartient, alors ils seront les gardiens, ils pourront s'en servir. L'argent n'est pas un problème. C'est comme lorsque l'homme a décidé que les armes étaient un problème. Non. Les armes, ce n'est pas un problème. Au Bengale, lorsque les tigres attaquent les villages, les armes sont très utiles. Par contre, lorsqu'ils servent à tuer d'autres humains, les armes sont toujours des armes. C'est neutre. C'est les humains qui sont un problème. L'argent, c'est la même chose. Il faut voir le problème là où il est. Est-ce que je dois épargner ou dépenser pour améliorer l'endroit où je vis? La première chose à faire, c'est de ne pas dépenser pour commencer à restaurer par l'intérieur. Comme j'ai expliqué lors de la première partie, votre tenue, votre langage, plus les individus sont de basse classe, plus ils s'appellent par leur canal réincarnationnel. Alors on va dire « Bonjour Ducharme, t'as-tu vu Dufresne hier? » Plus les individus sont en phase d'évolution, plus ils grimpent au niveau vibratoire, plus ils vont commencer par s'appeler par leur ego. Salut Pierre! Comment va Marie? Changer le langage, veut pas, c'est changer les clés qui nous confinent à vivre dans certaines formes d'énergie. Ce qui est dans les maisons ou dans les bureaux, vont lentement devoir cesser de vous manipuler. Ils n'auront plus autant d'effets. Et vous allez commencer à les colorer. Mettre de l'ordre. Dépenser, non, l'individu veut dépenser immédiatement, c'est ridicule. On ne bouge même pas une seule scène, on commence par mettre de l'ordre. Et à un moment donné, on regarde certains pantalons qu'on a et on en jette 2. Et par la suite, on va acheter quelque chose qui nous change de classe. Pas toujours les mêmes sempiternels jeans. Quelque chose qui fait changement. Et progressivement, vous allez grimper, et l'argent va venir avec. On peut toujours dépenser un peu plus, mais on ne doit pas emprunter pour dépenser. Dans le peuple juif, il y a une tradition où, si on veut aller chercher de l'argent, on va aller en emprunter, évidemment, à d'autres du même peuple qui ont de l'argent. Et là, on va s'acheter un complet suffisamment riche. Et une fois par mois, par exemple, on va manger, faire une discussion d'affaires dans un restaurant luxueux. Ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens parce qu'ils n'ont pas la Rolls-Royce. Ils sont encore en loyer. Ils ne dépensent pas régulièrement dans les beaux restaurants. mais il s'arrange pour baigner dans cette énergie de temps en temps. Ça attire l'argent. L'argent attire l'argent. Il faut de l'argent pour en faire. Il faut de l'argent pour en faire plus. Mais on commence avec ce qu'on a et vous en avez suffisamment. C'est la façon de voir les choses. Alors, on ne va pas les dépenser immédiatement, on arrange. Ta vieille minoune, possiblement que tu pourrais passer l'aspirateur dedans. Hein? Possiblement que tu pourrais juste aller changer les ampoules qui sont brûlées autour, les feux de position, ces choses-là. Déjà là, c'est un peu mieux. Possiblement que tu pourrais mettre un peu plus d'eau pour laver tes vitres, comme ça tes SUV, tu ne massacrerais pas tout ton pare-brise. Possiblement que tu pourrais me prendre 3$ pour changer les lamelles de caoutchouc, ça va voir plus clair en avant. Puis la minoune, elle reste toujours la minoune. Possiblement que tu pourrais gonfler tes pneus un peu mieux, puis la laver un peu à l'extérieur. Et ça change tout. L'attitude. Vous n'êtes pas capable d'entretenir pauvre, vous ne pourrez pas entretenir moyen ni riche. L'attitude, elle change tout. Vous allez rayonner et ça va attirer. Ce n'est pas la matière. Vous pouvez gagner 1 000 000 $ du jour au lendemain. Vous ne serez pas plus changé. Ah, vous allez avoir la belle automobile, la belle maison, les beaux ci, les beaux ça, et vous serez toujours aussi laid. Facilement manipulable par les cabanes, par les ci, par les ça, vous allez simplement dépenser et y aller au coton, la majorité des cas. Ça n'améliore pas la condition réelle de la vie de l'individu chicanotant, les mêmes problèmes. Il est plus riche. Avant de dépenser, on commence par cesser de gaspiller. Économiser, il faut faire attention. En mettre, puis en mettre, puis en mettre, puis en mettre. L'argent doit servir et non asservir. Explique-moi ce que l'éther. Il y en a un autre. L'éther. C'est un constituant fait de d'hydrogène, d'oxygène et de carbone. C'est tout? C'est de l'éther, en tout cas. L'éther ésotérique. L'éther ésotérique, c'est que dans l'Antiquité, le terme, c'est un vieux terme, évidemment, dans l'Antiquité, on considérait qu'au-delà du ciel, au-delà de l'atmosphère planétaire, il y avait quelque chose qui soutenait les étoiles, les astres. Et c'était un fluide particulier, quasiment impalpable, qui pouvait aussi animer et qui finalement pouvait pénétrer, interpénétrer les choses. Et on appelait ça l'éther parce que c'était quelque chose de vaporeux, d'impalpable, etc. Alchimiquement, quand on a trouvé la même mécanique que l'éther, quand tu as respiré, ça tombait carrément à la renverse, on appelait ça l'éther. L'éther, par la suite, est devenu ce qui permettait la structuration de la matière. Lorsque la science, l'alchimie, a été scindée en alchimie et en chimie, la chimie étant la mémoire de l'alchimie plus expérientielle, on faisait des expériences, l'autre plus institutionnelle, où on ne faisait pas trop d'expériences, la chimie a fini par considérer que l'éther n'existait pas. Alchimiquement, éther ou énergie intra-atomique, c'est la même chose, mais à l'époque, on n'avait pas l'idée. C'est sûr qu'Aristote ça connaissait déjà le mot atome, mais on n'avait pas la certitude, enfin, on ne vibrait pas avec ces mots-là, on vibrait avec le mot éther. Lentement, progressivement, on appelait cela énergie éthérique. L'énergie éthérique est l'énergie qui maintient la forme, l'énergie subatomique. C'est de l'éther. Et c'est uniquement ce qu'on retrouve entre les étoiles. Mais pas nécessairement avec la valeur émotive que les anciens voulaient donner. Lentement, d'énergie éthérique, on en est venu à considérer que l'éther, c'est aussi ce qui donnait la vie. Et l'étymologie a changé à travers les traductions des langues et c'est devenu de l'énergie vitale. Plan éthérique, plan vital, similaire. Progressivement, au niveau de l'évolution, on découvre que le corps de chair est structuré dans une forme mémorielle à partir de l'énergie éthérique, l'énergie subatomique. Dans l'évolution supramentale, on considère la création d'un double éthérique qui devra donc être constitué, lui, avec une mémoire énergétique qui pourra conserver une forme. Constitué d'énergie supramentale, le plan supramental, par prolongation, enfin par extension, finit lui aussi par s'appeler plan éthérique. Alors on aura de l'éthérique supplémentaire, et de l'éthérique planétaire. Le plan moron-ciel, vieille étymologie, est le plan vital, donc le plan éthérique, l'éther. De l'éther, de l'énergie vitale. Habituellement, yan et yin, yannick, yinnick, solaire et tellurique, planétaire. Le double éthérique est donc un double constitué d'énergie vitale dans le plan moron-ciel, le plan de transition. Moron-ciel veut dire transitoire. Là où passent les âmes entre la vie biologique et la dissolution dans le monde de la mort. C'est l'éther. Comment arriver à avoir du temps et de l'argent lorsqu'on est étudiant? Premièrement, les étudiants n'ont ni temps ni argent. C'est donc l'un des pires endroits où passer du temps. La majorité des étudiants étudient. Et la majorité de ce qu'ils étudient ne servira jamais. La société est une société de prédateurs. Énormément d'individus vivent uniquement parce que les étudiants sont par la loi obligés d'aller étudier ce que ces individus ont à leur donner. Rares sont ceux qui ont de l'emploi dans leurs études. Trop diplômés, tu demandes trop cher de salaire, on prend les autres. Alors, quand on est étudiant, on est à la phase totale d'initiation. Que dois-je dire? Socialement, si je dis de lâcher les études, ce n'est pas convenable. La majorité de ceux qui abandonnent leurs études et qui ont suffisamment d'énergie sont ceux qui engagent leurs amis lorsque ceux-ci sortent de l'université. Ce sont des patrons. Ils créent de l'emploi, hommes ou femmes. Ils sont autodidactes. Lorsqu'ils ont besoin, ils savent où trouver l'information. Et ils savent s'en servir. Ça nuit toujours un peu. Si dans la société, il vous faudrait une preuve que vous vous êtes drogué pour être accepté, il faudrait que vous vous droguiez. Moi, je n'ai pas étudié. Je me suis amusé à l'école. J'ai lu tout ce qu'il y avait comme Astérix, comme Achille Talon. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris à parler. Et lorsque j'avais besoin de réparer mon automobile, j'achetais des livres de mécanique et je devenais mécanicien. Lorsque j'avais besoin de travailler pour urgence santé, j'achetais des livres de médecine et je devenais médecin. Lorsque j'avais besoin de voyager, j'achetais des livres de voyage et je devenais voyageur. Les individus vont dire, oui, mais tout le monde n'est pas de même. Quoi? C'est parce que vous ne faites pas confiance. En attendant, bien, vous devez étudier sans trop savoir pourquoi. Et puis un jour, bien, vous aurez énormément de temps, pas d'argent. Possiblement, vous allez vous trouver un emploi. Vous allez commencer à avoir de l'argent, vous n'aurez plus le temps. Vous serez devenu un adulte, socialement intégré. Et progressivement, étudiant ou non, vous devez appliquer des choses qui vont vous désassujettir des limitations. Finir par avoir le temps et finir par avoir l'argent, ce n'est pas en 2 semaines, ce n'est pas nécessairement en 2 ans. Pourquoi? Parce que vous devez vous anégoïser, vous devez avoir une dilution de l'ego, vous devez être humble, vous ne devez pas être orgueilleux de ce qui va vous arriver. Sinon, ça va être un peu plus long. Je répète, plus on est patient, plus ça va vite, plus on est impatient, plus c'est long. Question d'ego. Comment un symbole est lié à une onde de forme, à son onde de forme? Lorsqu'un être humain invente la parole, un mot, il ne fait que percevoir vitalement quelque chose et dans son centre laryngé, ça tente à faire « puis à un moment donné, il sort un mot. « Cheval ». Bon. On ne sait jamais ce qui va sortir. Évidemment, le mot cheval était un mot qui était raffiné. En latin, c'était pas comme ça, puis un peu dans les langues mortes, c'était un peu différent. C'est guttural dans le début. C'est une énergie qui veut sortir. Certains ont le centre laryngé suffisamment développé qu'ils l'expriment par la parole. D'autres, c'est par l'art. Alors, lentement, on dessine des choses. Et ce que l'on dessine est exactement la réplique dessinée de ce que nous vivons à l'intérieur. Et c'est pourquoi l'humain va dire, ça symbolise, ça représente, c'est ceci. Évidemment, c'est une question d'émotivité. Mais ce qu'il vient d'amener est tellement pur et parfait que n'importe quel humain qui vibre de la même façon lorsqu'il voit la symbolique comprend la symbolique. Donc, c'est une parole. On parle le même langage. Progressivement, beaucoup d'humains vont être assujettis à ce langage, à cette forme. Et chaque fois que cette forme est visualisée par un humain, on lui juxtapose l'émotivité, la symbolique, qui va avec, qu'elle stimule. Dans le monde de la mort, c'est enregistré, c'est mémorisé, c'est une expérience nourrissante pour les dieux. Si on fait référence à quelques milliers d'années plus tard, où on décide d'aborder un symbole comme la corne d'abondance, comme la croix gammée, comme la svastika, qui est la croix à l'envers ou à l'endroit, si on aborde un symbole du passé, le symbole est intimement relié à l'onde de forme astrale, aux égrégores, qui ont été créés à même lui, à même le symbole. Nécessairement, on attire cela. Cette forme, elle est exprimée par le symbole. Exactement comme si je dirais continuellement, « Mange la marde, mange la marde. » L'individu a beau être ce qu'il voudra, mais mange la marde et finit par trouver que je devrais arrêter, c'est étonnant. Le symbole exprime continuellement avec la même puissance qu'un mot. Mais si ça ne parle pas votre langage, vous ne l'entendez pas, mon niveau vibratoire, c'est la même chose. Et lentement, ça assujettit l'individu à ce symbole. Alors, espérons que le symbole ne dit pas ce que j'ai dit. Occupé de ça. Y a-t-il un moyen simple de repousser les lignes du réseau Hartmann? Moyen simple, non. L'humain veut des moyens simples. Qu'est-ce qui fait qu'un moyen compliqué, c'est celui qui doit l'appliquer, de toute façon? La meilleure chose, l'humain lui-même doit se retirer. C'est plus évident et plus facile dans ce cas-là. On m'a offert un poste de contremaître. Est-ce que ça va m'apporter une nouvelle sorte d'énergie? Ben, vous allez être contre les maîtres. Déjà là, ça allait être plus libre. Hein? Un contremaître, c'est beaucoup plus libre. Et contre les maîtres. Est-ce que ça va m'apporter plus d'énergie? Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas là pour donner des conseils. Ça dépend de ce que vous allez en faire. Il y a des individus qui vivent à Montréal et qui en souffrent, d'autres vivent à Montréal et sans énergie. Ça dépend énormément de quelle façon votre ego va devoir supporter le fait d'être contremaître. Donner des ordres, diriger, avoir de la responsabilité, c'est extraordinairement formatif. Mais ça dépend encore de l'ego, pas de vous, de votre ego. Alors, si vous le contrôlez, ça dépend de vous. L'autre question, la même réponse. Ça dépend de vous. Si on prend des imitations qui sont bien faites, genre meubles plaqués de chêne, ça est-il aussi valable au point de vue onde de forme? Étant donné qu'il n'est pas imbibé de l'énergie de ceux qui ont déjà vécu avec, c'est déjà mieux, mais étant donné que c'est une réplique, nécessairement, ça nous relie ce genre d'égrégore. Temporairement, cela peut être utilisable, c'est pas positif, mais utilisable. À un moment donné, cela peut être moins. Il y a une personne que je connais qui est là, était en Italie, elle n'aurait jamais dû aller en Italie d'ailleurs, et elle est revenue avec tout ce que les Romains avaient. Il y a même la majorité des chaises chez elle sont des chaises très rondes, là, comme on voit souvent dans certains films où on voit des Spartacus. Et pour s'asseoir là-dessus, il n'y a pas de dossier. parce qu'à l'époque, ils s'accotaient sur les murs. Et s'il n'y a pas de mur, là, ça tombe de toute façon. Donc, tu dois rester à côté de saint mur, le dos bien droit. C'est prise de courant, c'est les interrupteurs, il n'y en a pas à l'époque. Il a plein de choses dans le char. Il a même tellement de tapis qu'il est tapis en barque par-dessus les autres, il faut les mettre. Et il est dans sa conscience, il est vieillot, il est... Bon, même s'il y a des répliques, même si c'est du ceci ou du cela, ça dépend à quoi ça te relie. Il y en a d'autres qui ont l'emplacement pour, qui vont se rattacher à l'aristocratie du 17e siècle, du 14e siècle, de différents pays. Ça peut être bon. Encore une fois, il faut simplement déterminer ce que l'on veut faire. Et une chose est certaine, si vous êtes attaché à vos objets, ils sont déjà très problématiques parce que vous pensez que vous les attachez à vous alors que ce sont eux qui vous ont attaché à eux. Nous disons, oui, mais je ne suis pas pour les jeter, j'y suis très attaché. Ils vous nuisent. C'est sûr qu'une fois qu'on les a ôtés, c'est comme ta belle dent carrée que tu aimes tant. Bon, une fois qu'on te l'a ôté, ça fait un trou. Il va se combler le trou, mais ils nuisent. Ils vous assujettissent. Ma nièce Caroline a des dons. Plusieurs choses se déplacent dans la maison ainsi que plusieurs incidents cocasses. Ce n'est pas un don, c'est de la télékinésie. Est-ce que déménager changerait les choses? Ben oui, si vous déménagez, vous ne restez plus avec elle. C'est quoi la problématique? Profitez-en puis essayez de contrôler les choses pour qu'elle puisse faire le ménage. En passant, l'humain considère toujours que ce sont des dons. Comme si Dieu, à un moment donné, dans sa justice implacable, regardait n'importe qui et lui disait « Tiens, tu as cela. » Puis les autres, vous n'avez pas tant pis pour vous. Ce ne sont pas des dons. Certains parmi vous ont le don d'avoir la grande orteille. D'autres ont le don de l'ongle incarné. D'autres ont le don de la course. D'autres ont le don de la... cérébralité, d'autres ont le don de chanter. Et d'autres ont le don de faire de la psychokinésie, mouvement d'objet par la pensée, ou télékinésie, c'est incontrôlé, mouvement d'objet à distance. Mais non, elle devrait simplement travailler cela un peu, ça, c'est très intéressant. C'est comme le chanter, elle pourrait même gagner sa vie avec ça. Déménager peut atténuer les choses, parce que lentement, les objets finissent par être sensibles à l'individu. Mais vouloir corriger tout ça, pas nécessairement. Moi, je ne corrigerai pas, je m'arrangerai simplement pour qu'on puisse se servir convenablement des choses. Pas pour en faire un monstre de spectacle ou un monstre de cirque. Mais ça peut être utile l'hiver que lorsqu'il autodérape. L'attitude de mon chat m'a révélé la fréquence d'entité ou d'une entité dans l'appartement que j'occupe depuis 2 ans. Bien que celle-ci n'en ait pas ne m'est pas dérangé, je ne remarque plus leur présence. Le chat a-t-il eu une influence ou s'y est-il habitué? Ou ces entités se sont-elles réincarnées? Elles se localisaient principalement près des tapis et d'objets métalliques rapportés de pays islamiques, Turquie, Maroc. Je suis allé 5 fois en Turquie. Je m'appelais dans cet appartement ainsi décoré. Le chat devait, à un moment donné, se fixer et observer quelque part dans la maison quelque chose. Bien souvent, c'est de cette façon qu'ils vont détecter des entités. Et les chats peuvent absorber de l'énergie vitale. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont été mis au monde. Les entités, ceux qui apparaissent étant des mécanismes vitaux, comme on l'a vu au début de la conférence, la majorité des chats vont les absorber. Les chiens, normalement, vont les nourrir, vont les amplifier, ils les absorbent pas. En ce qui concerne la cité sociale, il doit régler ses problèmes avant de le devenir. Sinon, par la suite, toute sa situation se détériore. Le 2/3 du chèque pour le loyer, le reste pour vivre. Et quelle personne d'un certain niveau énergétique veut de la cité sociale comme ami, que de toute façon ne peut suivre dans les activités? Il y a une onde de forme débilitante qui fait que tous les secteurs de sa vie se dégradent et il n'arrive pas à s'en sortir. Bon, il peut arriver à s'en sortir. Premièrement, il a déjà, si la personne ici, c'est l'assisté social en question, il a déjà une très mauvaise vision de s'en sortir. Qui voudrait d'un assisté social comme ami? Elle n'a pas jusqu'à date côtoyé les bons individus. C'est simple. Parce que franchement, c'est pas parce qu'une personne est sous l'assistance sociale qu'elle est la lie de la société. Qui voudrait une assistée sociale comme amie? Ben, je dirais pas moi, je me fous de savoir quelle est, si c'est l'assistée sociale ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'individu. En ce qui concerne l'assistée sociale, il doit régler ses problèmes avant de le devenir, enfin, de grimper un peu. C'est évident, mais c'est comme n'importe qui. Sauf que l'assistée sociale, on l'a placé dans une attitude psychologique sociale telle qu'il reste convaincu qu'il ne peut pas s'en sortir. Presque 100% des enfants d'assistés sociaux sont sur l'assistance sociale. Mais c'est simplement une attitude. Ils ont la même intelligence, ils ont les mêmes possibilités. C'est une attitude. Il y a des individus qui travaillent et qui ont plus de difficultés à arriver à fermer les deux bouts que la cité sociale. C'est, encore une fois, comme j'expliquais au début, une attitude mentale, psychologique plutôt, qui fait que l'individu se dit que dans sa situation, il ne peut pas sortir. Je connais des gens qui sont beaucoup plus riches que moi et je dois les aider à s'en sortir. Je connais des gens plus pauvres qui s'en sortent mieux. C'est une question de vision, une question de s'asseoir et de dire « je commence ». Les deux tiers du loyer pour payer la maison, je comprends. Il y a en masse de façons de s'en sortir quand même. Et là, l'individu va dire « ben, donne-moi des exemples ». Tout si je parle avec l'individu, si je vois sa situation, si je visite avec lui, je vais en trouver plein. De façon de parvenir à s'en sortir. On a tout à l'heure parlé de l'attitude. Première chose, se tenir. Bien avant de dépenser. Êtes-vous capable d'être un assisté social aristocrate? Mais dans la tête des assistés sociaux, ça ne se fait pas. Faut que tu dises tabarnak, faut que tu prennes de la bière, dans la majorité des cas, faut que tu sois sale, faut que tu te plaignes tout le temps, faut que tu sois malade habituellement, ça l'aide. Habituellement. Et évidemment, il y a d'autres nuances. Mais comment on a simplement à être un aristocrate, même si on est sur l'assistance sociale? C'est pas votre niveau financier qui détermine ce que vous êtes. Moi, ce que je dis, c'est que vous devez finir par parvenir à avoir suffisamment d'argent et de temps. Mais c'est simplement pour rendre plus confortable l'évolution. Ce n'est pas pour évoluer. Je l'ai dit aussi tout à l'heure. Vous êtes sur l'assistance sociale ou vous êtes simplement chômeur, vous travaillez, vous gagnez 45 000 par année, puis vous êtes obligé de vendre votre automobile. Vous voyez mal la situation, il y a des choses incontrôlées que vous devrez contrôler. Et bien souvent, il faut changer des atmosphères parce que vous allez vous faire ramasser par les mémoires qui hantent votre entourage. Changer d'amis, c'est une bonne chose. Se tenir mieux, je ne répéterai pas tout ce que j'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'on est mal pris. Les deux copains avec qui j'étais n'arrivaient pas. Ils ne sortaient jamais. Ils ne s'achetaient rien. Ils ne dépensaient pas. Ils gagnaient plus que moi. Ils étaient plus pauvres que moi. Je sortais. J'avais une automobile neuve. Je dépensais un peu. Et les personnes, jusqu'à temps que je règle leur budget, ne pouvaient comprendre. Je ne dépense pas. Moi, je dis non. Mais tu as de l'argent dans tes poches. Première chose, mets-en pas dans tes poches. Il y a tellement d'impossibilités de s'en sortir et tellement de facilités de régler les problèmes. Changez votre attitude. Quand il y en a seulement une dans une maison qui semble perturbée par des forces astrales, quoi faire? Pourquoi elle plus que les autres? Parce qu'elle a un périsprit plus humain, simplement. Voilà. Dans la justice parfaite, les dieux ont créé cette personne plus sensible et elle est plus manipulable par l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est son problème à elle. Si elle vous dérange, c'est votre problème à vous. On fait la même chose que j'ai expliqué. On doit s'arranger pour changer les ondes de forme au niveau de la maison. On doit s'arranger pour que l'individu comprenne qu'elle doit changer son attitude. Vous savez que le terme attitude est un terme extrêmement puissant. Changer son attitude, c'est nécessairement, sans avoir à mettre plein de mots, résister à bien des esclavages. C'est être quelqu'un d'autre. En réalité, c'est laisser son mental s'exprimer un peu plus. L'individu toujours évaché, qui est toujours en train de dire qu'il est fatigué. S'il change son attitude, c'est pas du positivisme, mais qu'il fasse juste l'effort de se tenir un peu plus droit, puis qu'il fasse l'effort de se fermer la grande gueule pour cesser de se plaindre qu'il est fatigué. Mais lentement, il va finir par avoir de l'énergie. Il en avait, il s'en servait pas. Vous avez une automobile avec deux réservoirs d'essence. Un gros plein, un petit vide. Faites collecter sur le petit vide. Ben oui. Mais vous manque toujours d'essence. Changez d'attitude, se branchez à bonne place. L'énergie, elle est là. On doit s'en servir. J'ai une nièce de 14 ans qui voit dans le miroir de son bureau le visage de son père décédé et qui entre dans une transe de peur car il semblerait qu'il lui a suggéré que si elle racontait ce qu'elle voit, sa mère la tuerait. Après difficulté, elle a avoué à sa mère sa peur et depuis, elle n'a pas revu cette vision. Que croyez-vous qu'elle doit faire si un jour la même image revient dans le miroir? Premièrement, bon, 14 ans, évidemment, ça dépend encore de la psychologie, de la structure psychologique de la personne. Ce que je vais dire, il faut quand même faire attention, ça ne vaut pas la peine nécessairement de lui expliquer. Si on lui explique, bien, enfin, si elle est ici, c'est une chose possible, ou c'est les goûts de la cassette à un moment donné. Émotivement, il faut faire attention à ce que l'on entend. On apprend des choses et émotivement, on colore tout. Quand on prend, par exemple, on rentre dans une chambre de bain, on allume une chandelle et puis on éclaire la chambre de bain, on éteint les lumières et on regarde dans le miroir, et à un moment donné, on commence à voir des formes dans le miroir. Plus souvent qu'autrement, c'est extrêmement laid, mais bien des fois, c'est joli. Mais ça reste rarement joli, ça devient assez laid. Donc, dans son miroir, elle voit le visage de son père, simplement parce que son père s'est en majorité totalement réincarné chez elle. Parce que dans cette chambre d'expérience, l'ego finit par se voir lui-même. C'est notre âme que l'on voit, et c'est toujours laid, une âme, c'est jamais bien, bien beau. Alors, l'individu, ce qu'elle voyait, c'était son père. Pourquoi ne pas en parler, histoire simplement d'engendrer dans la structure psychologique de la personne suffisamment de crainte pour engendrer suffisamment d'émotions, pour engendrer suffisamment de sécrétions, pour pouvoir nourrir la mémoire incarnationnelle du père dans son corps. À l'instant où elle en parle, la promesse ne pouvant être accomplie, une grande, grande partie de ce qui est dedans est maintenant digérée par la jeune fille. Étant digérée par elle, et non, elle n'étant plus en digestion par son père, nécessairement, elle règle une grande, grande, grande partie du problème. Si ça revient, ben, qu'elle change de miroir, qu'il en prenne un parabolique au moins. Si un animal meurt, revient-il automatiquement hanter les lieux? Attends la réponse. Bon, automatiquement hanter les lieux, ça dépend de ce que vous faites pour l'attirer, ça dépend de l'animal, mais habituellement, les mémoires de l'animal vont quand même rester là un grand bout de temps. Si oui, que faut-il faire quand on a tout fait? Arranger tout ce que l'animal quand a fait? Quand on a tout fait, il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'il faut changer tout ce que l'animal a fait? Ben, normalement, on se débarrasse de ce que l'animal avait. C'est utile, ça dépend encore des animaux. Ou encore, on a un autre animal qui va être capable d'absorber et de digérer le premier. C'est une des bonnes choses à faire. Sinon, ben, on peut aussi envisager le déménagement, tant qu'à tout faire. Est-ce qu'il faut changer de type d'animal? Si on avait un chien... En tout cas, il faut changer sa litière. Okay. Ça l'aide déjà énormément. On doit se débarrasser d'énormément de choses que l'animal avait. Habituellement, les chiens ont tendance à revenir. Ou quelques autres animaux du même genre. Les chats, ça peut arriver, c'est relativement rare. Et on se débarrasse. Une chose qu'on peut faire, à un moment donné, c'est de récupérer l'animal. Alors, on peut avoir une espèce de bibelot ou une photo de l'animal ou quelque chose comme ça qu'on place quelque part où l'animal aimait souvent être. Et là, habituellement, les mémoires de l'animal vont se ramasser là. Quand c'est suffisamment ramassé là, bien, plus tard, on peut prendre l'objet puis le détruire. Comment savoir quel est le temps propice à partir en affaires, puisque tu dis de démarrer en affaires lorsque les affaires courent après toi? Ben, le temps propice, c'est quand ça fonctionne tout seul, c'est le temps. Quand ça fonctionne pas tout seul, ben, c'est pas nécessairement le temps. Moi, j'applique ces choses-là en affaires et ça fonctionne. Quand j'en parle à d'autres hommes ou d'autres femmes d'affaires, ils ont une fièvre à m'écouter parler. Ils aimeraient bien que ce soit vrai, mais ils sont donc pas sûrs que ça fonctionne comme ça. Parce que eux, ils ont trop travaillé pour réussir. Et moi, ce que je leur dis, c'est qu'on ne doit pas travailler pour réussir. Il y a son travail, on ne réussit pas. Comment savoir que c'est le temps de se lancer en affaires? Je répète encore une fois, je ne suis pas un prophète, c'est à vous de vous démerder. Si ça fonctionne, c'est le temps. Si ça ne fonctionne pas, c'était peut-être le temps aussi, mais c'était pas de faire de l'argent que vous deviez faire. Plutôt de vous en égoïser. Les affaires courent après vous. Vous avez déjà une bonne partie de la réponse. Dans un bureau thérapeutique, il y a souvent des entités tapageuses. Que conseilles-tu pour nettoyer ces dernières? Premièrement, fixer solidement tous les objets. On doit avoir un éclairage suffisamment puissant. On doit... Effectivement, ça dépend énormément de... On doit s'arranger pour que les clients ne viennent pas se plaindre. Ça là, va déjà énormément aider. Et on doit s'arranger les personnes qui travaillent là pour être suffisamment mentales de façon à ce que les personnes qui viennent se plaindre et brailler, bref, ceux qui attirent l'attention, et nécessairement cela peut créer des phénomènes tapageurs, ne soient pas intéressés à rester là. On doit surtout considérer comme étant totalement naturel quel que soit l'événement qui va se passer là. Un verre se met à bouger sur une table, et on dit « Ah! » Et on oublie. Pour ne pas énergiser ce qui fait ces choses. Si on ne s'en occupe absolument plus et qu'on s'arrange pour que les clients se plaignent un peu moins, qu'on mette une lumière adéquate, qu'on change de temps en temps les décors, bien les décors, on change un peu les ondes de forme, on éclaire différemment, ça peut énormément éliminer. Mais il faut être mental, ça va carrément placer les choses. Lorsque je rencontre une personne que je ne connais pas et que je sais son nom, le genre de travail qu'il fait et que je détecte qu'il souffre d'une maladie cardiaque, par exemple, est-ce de la clairvoyance? Si oui, serait-il préférable que j'empêche ce phénomène de se reproduire? Chose certaine, c'est que ne lui dites pas. Pour ne pas subir à un moment donné le syndrome du Romanichel. Vous dites à quelqu'un qu'il a un problème cardiaque, 2 ans après, il fait un infarctus et il pense que vous lui avez jeté un sort. Bon, bien sûr. Est-ce que c'est de la clairvoyance? Ben, c'est de la perception. Appelez ça comme vous voulez. Ces choses sont tout à fait normales. Beaucoup d'individus peuvent vivre ce genre de choses-là. Et on s'en fait avec ça. Empêcher le phénomène de revenir, pourquoi? Parce qu'émotivement, vous avez des difficultés à faire quelque chose avec. Parce que vous ne savez pas si vous vous faites fourrer, si vous faites avoir ou non. Observez la chose. C'est tout. Un jour, elle vous sauvera peut-être la vie. Peut-être qu'elle vous tuera aussi, remarquez bien. Mais empêcher la chose de revenir, vous allez perdre énormément de temps, énormément d'énergie, pour rien. Donc, ça ne vaut pas la peine. Renouer des relations avec des personnes qui font partie de notre passé, est-ce retarder notre futur ou est-ce utile pour régler des choses laissées en suspens? C'est habituellement, ce n'est pas évolutif. Habituellement, c'est rétrograde et involutif. C'est un vieillissement de la psychologie qui cherche à retrouver son passé. Habituellement, vous aviez une dette, réglez-la. Mais ce n'est pas renouer des liens avec son passé. Habituellement, ce n'est pas bon. C'est très sécurisant, très plaisant, très amusant. On parle de phénomène évolutif, c'est rarement évolutif. Ça peut l'être. Parce que de temps en temps, des individus se quittent pour se retrouver. Et quand ils se retrouvent, ils ont de quoi en commun. Mais si la chose qu'ils ont en commun est uniquement leur passé, ce n'est pas bon. Comment agir quand on a un conjoint qui s'oppose à toute idée de changement? Changer? D'où vous viennent toutes ces connaissances? Avez-vous fait des études spécialisées ou autres? Autre. Faut que je souffle de réponse. Daniel, j'ai lu que si l'homme se libère de la polarité, il ne pourra pas faire partie de la destruction de la 5e race. Lorsque les pôles nord et sud seront déstabilisés magnétiquement, causant des cataclysmes et des inondations. Explique l'incidence de la polarité vis-à-vis la destruction de la race et des cataclysmes à venir. Merci. Alors, j'ai lu que Si l'homme se libère de la polarité, il ne pourra pas faire partie de la destruction de la cinquième race. La polarité, ce n'est pas le pôle Nord et le pôle Sud. Dernièrement, j'ai investi dans une compagnie de Kleenex. C'est pour ça que j'ai la grippe, moi aussi. Bon, c'est ça que je le donne à tout le monde. Par les micros. La polarité, c'est la limitation psychologique qu'a l'humain de voir le bien et de voir le mal. C'est uniquement cela, la polarité. C'est de voir des amis et de voir des ennemis. Les gens assujettis à la polarité, ce sont des gens qui risquent effectivement de faire partie d'une destruction, parce qu'ils se détruisent. Ce sont des gens qui voient d'un côté Dieu, d'un côté l'enfer. Ce sont des gens qui haïssent et qui aiment, qui espèrent et qui craignent. Ce sont des gens instables. Lorsque l'individu est assujetti de la polarité, polarité de vision, le bien et le mal, lorsqu'il en est libre, il ne peut faire partie de la problématique de l'animal humain, de l'évolution lunaire, de l'initiation lunaire, l'initiation méritoire et souvent très souffrant. Alors, ce n'est pas une question de se libérer des polarités yin ou yang des méridiens d'énergie physique. C'est uniquement de se libérer de la vision polarisée que nous avons des choses. Un bel arbre, une maudite personne, etc., etc., etc. Quand l'humain en est libéré, de toute façon, on est libéré de l'humain. Les matières plastiques isolantes sont-elles néfastes? Non, si on n'a pas le nez collé dessus pour les respirer, bien souvent, elles dégagent des particules dangereuses. Anges gardiens, guides, existent-ils? Si oui, cela est-il bon pour moi? Ils existent tous. Habituellement, ils nuisent. Il y a une conférence que j'ai déjà faite. Fouillez sur la liste des 200-300 conférences, je ne me rappelle plus du titre, mais il y en a une là-dessus. Comment manipuler l'astral afin qu'il me retourne ce dont j'ai besoin? C'est les guides de lumière de demain. Comment manipuler l'astral afin qu'il me retourne ce dont j'ai besoin? Vous ne savez pas ce que vous avez besoin. Celui-là ici, il y en a 14, là, 15, pour être précis, la même personne. J'en ai posé quelques-unes tantôt. Je vous rappelle que les deux prochaines conférences de Daniel sont ici, mercredi le 23 et le 30 août, même heure que d'habitude. Pour les séminaristes, le prochain PMC Plus au Mont-Gabriel aura lieu le 27 août prochain, de 10h à 22h. Pour les personnes intéressées, préférable de s'inscrire. Et les cassettes de la conférence sont disponibles à la sortie. Bonne semaine, à mercredi prochain.